On va poser sur la prod du gros porc. Écoute. Tu joues les maîtres, mais t'en as pas les toffes. Ton album est dans les bacs, yeah, mazel tov. Mais je l'ai écouté, n'en vaut pas la peine, yeah. Tu joues à fond dans ta bête, je le jette dans ma peine, yeah. À l'état brut, c'est la mixtape qui met la pression à ta carrière de petit dip. Demande à la voix mon secret. Il grattait les flèches quand tu jouais au but à la récré. Nine Piece, t'as reconnu le 11. J'ai trop d'avance pour me rattraper, faut que tu fonces. Je ne compte même plus les classes d'écart qui nous séparent. Tu t'es arrivé quand tu glandes à la case départ. J'ai pas chopé la grosse tête, je l'ai toujours eu. Si le rap est un jeu, je suis le boss de Toys R Us. Je m'éclate sur la prod du gros plein de soupe. Je rappe par amour, mais je serai pas contre tout plein de soupe. ISF, c'est le label. À l'état brut, c'est la mixtape. Le street album est dans le hamac. Il se repose après ses années de travail. ISF, c'est le label. À l'état brut, c'est la mixtape. Le street album est dans le hamac. Il se repose après ses années de travail.